Hey gamin, j'passe en mode bourrin. J'ouvre ma gueule, j'mets les pieds dans le plat de gratin. Face à la toute puissance du fichier, du chic que j'ai une alternative. Critique et cynique pour couper l'air sous pied. La dictature du blé, j'nivelle par le bas, cache comme ma sans pitié. Pas besoin de bidon pour cela jouer daron. Être riche aujourd'hui, ce n'est pas des garçons. Le luxe, c'est ringard, pas pour la mode du dollar. Le luxe, c'est ringard, pas pour. Le luxe, c'est ringard, pas pour la mode du dollar. Le luxe, c'est ringard, pas pour. La fin des haricots pour le monde du pognon. C'est le truc qui tue, qui trouve le cul. Pas besoin non de descendre dans la rue pour foutre l'enfer, frère. Pas besoin de bombes nucléaires. Jardin American Way of Life, du billet vert. J'fais la nique à ceux pour qui le fric est Dieu. J'espère pour eux qu'il y a autre chose dans leur slip crasseux. Le luxe, c'est ringard, pas mort la mode du dollar. Le luxe, c'est ringard, pas mort. Le luxe, c'est ringard, pas mort la mode du dollar. Le luxe, c'est ringard, pas mort. Je vais t'expliquer pourquoi le luxe me fait gerber. Il suffit de se rappeler quelle est son utilité. Cultiver les différences au sein de la société. Afficher, exhiber l'inégalité. Prouver sa supériorité financière. Mesurer la valeur de l'homme à son salaire. On ne mélange pas les torchons et les serviettes. La frontière, c'est le luxe que chacun bouffe dans son assiette. Nous n'avons pas les mêmes valeurs, mais comme disait la rillette, fais pas la gueule, fillette. Si t'es sage, t'auras les miettes. Nous n'avons pas les mêmes valeurs, mais comme disait la rillette, fais pas la gueule, fillette. Si t'es sage, t'auras les miettes. Le luxe, c'est ringard, pas mort la mode du dollar. Le luxe, c'est ringard, pas mort, pas mort. Le luxe, c'est le reflet du mépris, loin signe extérieur de conneries. Le luxe, c'est le reflet du mépris, loin signe extérieur de conneries. Le luxe est le reflet du mépris, un signe extérieur de conneries. Le luxe est le reflet du mépris, un signe extérieur de conneries. Le luxe, c'est ringard, pas mort la mode du dollar. Le luxe, c'est ringard, pas mort.